Ave Maria. Ave Maria. Ceux qui souffrent viennent à toi, toi qui as tant souffert, tu comprends leur misère et les partages, Marie, courage. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Au cœur de la brousse africaine, Saint Nicolas fait sa tournée. Quand ils ont vu sa haute plaine, les petits noirs ont demandé, avec de grands yeux étonnés. Dis-nous comment s'est fait la neige. Et comment la reconnaîtrai-je lorsque j'irai dans ton pays? Un sapin, à quoi ça ressemble? Est-ce vrai qu'ils ont sur leurs branches tout plein de petites bougies? Est-ce aussi joli qu'on le dit? Pourquoi n'en est-on pas ici? Saint Nicolas pose sa hotte et cherche les petits souliers. Oui, mais voilà dans les paillotes il n'y a pas de cheminée, et les petits noirs vont nu-pieds. Dis-nous comment s'est fait la neige, et comment la reconnaîtrai-je, lorsque j'irai dans ton pays. Un sapin, à quoi ça ressemble? Est-ce vrai qu'ils ont sur leurs branches tout plein de petites bougies? Est-ce aussi joli qu'on le dit? Pourquoi n'en a-t-on pas ici? S'il était né dans la savane, on aurait vu Jésus l'enfant, plutôt qu'entre le bœuf et l'âne, venir au monde en souriant, entre le lion et l'éléphant. Dis-nous comment s'est fait la neige, et comment la reconnaîtrai-je, lorsque j'irai dans ton pays. Comment s'est fait un ange? Ont-ils vraiment des ailes blanches? Les mains et la figure aussi. Les anges sont-ils tous ainsi? Pourquoi n'en a-t-on pas ici? Sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Marie a souffert, Marie a donné, naissance à minuit sonné, à l'enfant Dieu. Les hommes l'ont su, ils ont entonné un Alléluia glorieux, comme pour remercier les cieux. Hosanna, Hosanna, Marie, le monde court vers toi, il veut voir l'enfant de ta chair et savoir comment il se nomme. Hosanna, Hosanna, ton fils Jésus deviendra roi, roi des Juifs et de l'univers, et régnera sur tous les hommes. Marie a frémi, Marie a prié, comme tous agenouillés, près de l'enfant. Jésus a souri, il a regardé les hommes venus humblement, les bras encombrés de présents. Hosanna, Hosanna, Marie a enfanté d'un roi, courez de par les continents, colporter la bonne nouvelle. Hosanna, Hosanna, cloche sonnée, jouez au bois. Il est né le divin enfant, cette nuit sera éternelle. Voici rentré de voyage, c'est bon de revoir son village et son toit sous les oliviers en Galilée. Marie va bien, elle repose, il est arrivé tant de choses, et puis maintenant nous avons un lit de plus dans la maison. Le ciel m'a donné un garçon. Pour Marie, ce fut difficile. Vous savez comme elle est fragile. Je me suis beaucoup inquiété pour sa santé. Elle voyait dans son délire un ange qui venait lui dire: attendez-vous à tout moment à un heureux événement. Moi, je me demandais comment. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Je ne comprends pas, à peine si j'en crois mes yeux, et ce qui nous arrive est merveilleux. La, la, la. Il est né dans une étable, chacun le sut grâce à l'étoile qui brillait au milieu du ciel, sensationnel. Cette première réussite de transmission par satellite a fait du bruit dans notre fief. Les gens disaient: sacré Joseph, il s'est défendu comme un chef. C'est un enfant toujours très sage, peut-être un peu trop pour son âge, mais je suis à peu près certain qu'il ira loin. Je suis heureux d'être son père, malgré bien des petits mystères que nous n'avons pas résolus, mais je ne vous en dis pas plus. Nous l'avons appelé Jésus. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Je ne comprends pas, à peine si j'en crois mes yeux, mais ce qui nous arrive est merveilleux. La, la, la, la, la. Et ce qui nous arrive est merveilleux. C'est Noël, chérie, et nous sommes à Paris. C'est Noël, chérie, et tous ceux que nous aimons sont loin, bien loin d'ici. Étrange fête, sans nos enfants, sans nos parents, sans nos amis. Ce soir nous souperons en tête à tête, ma chérie. Noël, mon cœur, et nous sommes à l'autel. Moi, le voyageur, moi, le nomade éternel, toujours tombant du ciel. Mais que m'importe, seul avec toi je suis heureux, au coin du feu. Tous les sapins du monde, tu les portes dans tes yeux. Restons ici, n'allons pas à l'église. J'ai fait dresser la table pour dîner. La chambre est tout encombrée de valises, mais il faut peu de place pour s'aimer. C'est Noël, chérie, et nous voici réunis dans Paris tout gris. Tout maussade et tout contrit, sans neige et sous la pluie. Dieu me pardonne, nous connaîtrons des réveillons plus solennels. Ce soir embrassons-nous car minuit sonne, c'est Noël. Il neige à gros flocons, le bon Dieu tend ses moutons, ou bien c'est la lune en plume. Chez Lily sont réunis tous les noceurs du pays pour entendre sonner minuit. C'est Noël chez Lily Melon, la patronne du salon. Vous pouvez l'inviter au bar, ça coûte $1. Vous pouvez goûter avec elle le pudding traditionnel. C'est la marraine des cœurs en peine chez Lily. C'est tous les jours Noël. Noël, c'est émouvant quand on a femme et enfant, toute une famille gentille. Mais pour vous les mal mariés, vous les veufs, les divorcés, j'ai l'adresse que vous cherchez. C'est Noël chez Lily Melon, une bien jolie personne qui vous joue sur son gramophone les airs d'Adjo Sam. Donnez-lui son petit cadeau glissé avec un propos selon l'usage. Dans son corsage chez Lily, c'est tous les jours Lily, c'est tous les jours. Oui, chez Lily, c'est tous les jours Noël. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. J'ai connu des Noëls à l'écart de la ville où l'on partait joyeux, des torches à la main. C'était avant l'avion, avant l'automobile, et le froid nous mordait par les petits chemins. L'église tout entière, illuminée de cierges, tremblait de tous ses murs pendant minuit chrétien. Car nous venions nombreux prier la Sainte Vierge. C'était mieux qu'au théâtre et ça ne coûtait rien. Noël d'autrefois, vous aviez une âme, un je ne sais quoi. Noël d'autrefois, nous faisions au retour un vrai repas de fête. Ma mère cuisinait, j'étais le marmiton. Mon père pétrissait de la pâte à galette. On embrochait un porc et cinq ou six chapons. Dans la salle où trônait un sapin formidable, décoré de bougies et de papier d'argent, pour avoir le menton à hauteur de la table, des tripotés d'enfants se hissaient sur les bancs. Noël d'autrefois, vous aviez une âme, un je ne sais quoi. Noël d'autrefois, à présent nous avons des sapins en plastique. La neige est fabriquée par un atomiseur. La bougie a fait place à l'ampoule électrique. La bûche sort tout droit de chez le confiseur. Plus besoin de sortir, la messe est retransmise par toutes les radios et la télévision. Nous avons Monseigneur en direct de l'église. Et quand on a sommeil, on tourne le bouton. Noël d'autrefois, toute mon enfance tient dans ces mots-là. Noël d'autrefois. Le prenant pour son roi. sait qu'il voit un Dieu. Le dernier qui désire de satisfaire aussi lui donne de la mire, car il est homme aussi. No! Chaque année, c'est la fête, on te guette, Papa Calypso. Toi, le bonhomme aux yeux doux, tu existes aussi chez nous. Papa Noël, on t'appelle Papa Calypso. Pour les jeunes et pour les vieux, pour les riches et pour les gueux, tu as toujours ce qu'il faut, Papa Calypso. Tous ensemble. On t'attend sur le chemin, on te reconnaît de loin. Coupe lande, barbe blanche, Papa Calypso. Mais quand la fête prend fin, tu nous dis à l'an prochain. Tu nous quittes bien trop vite, Papa Calypso. Pour les petits et pour les grands, pour les noirs et pour les blancs, tu as toujours ce qu'il faut, Papa Calypso. Tous ensemble. Pour les petits et pour les grands, pour les noirs et pour les blancs, tu as toujours ce qu'il faut, Papa Calypso. Dans notre église en bambou, nous prions à deux genoux, que la Vierge te protège, Papa Calypso. Mais toi, vieille originale, tu reviens au carnaval. Mi-carême nous ramène Papa Calypso. Pour les filles et pour les gars, pour les fous et pour les rois, tu as toujours ce qu'il faut, Papa Calypso. Tous ensemble. Pour les filles et pour les gars, qu'est-ce que vous lui avez demandé, vous, à Papa Calypso? Un train électrique, un ballon de football, un vélo-cours, un lance-disque, une petite sœur, une place à roulette, un bonhomme de neige, un bon chien. Pour les jeunes et pour les vieux, pour les riches et pour les gueux, pour les petits et pour les grands, pour les noirs et pour les blancs, pour les filles et pour les gars, pour les fous et pour les rois, pour les marchés et pour les beaux, pour les maigres et pour les gros, tu as tout ce qu'il faut, Papa Calypso. quand viendra le temps du froid et du gel, j'aimerais pouvoir trouver en cadeau dans un berceau blanc tel un angelo, un enfant, toi pour Noël. Rose et merveilleux, tout petit et frêle, dormant innocent sous le sapin vert, pour être le cœur de notre univers, un enfant de toi pour Noël. Un enfant de toi, de nous, rêver ensemble, conçu ensemble, fille ou garçon, quelle importance au fond. Sorti de tes flancs lourds et maternels, pour faire en nos cœurs jaillir la lumière, sang de notre sang, chair de notre chair, un enfant de toi pour Noël. Nos espoirs envoyés du ciel pour donner un sens au fil de nos jours, au prix de nos joies, au nom de l'amour, un enfant doit. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Un enfant est né de père inconnu, et des millions d'hommes l'ont reconnu et l'ont adopté. Un enfant est né et soudain le cours de son temps a pris un autre parcours, et l'amour est né. Il aura suffi à Jésus de naître pour que dans la nuit où marchaient les êtres sans but et sans maître, l'espoir prenne corps, l'espoir prenne. Père inconnu, et des millions d'hommes l'ont reconnu et l'ont adopté. Un enfant est né, messager des cieux, pour léguer sa vie comme un don précieux à l'humanité. Quand tout paraît vain et nous semble vide, que tout est chagrin, quand le cœur se ride sans lueur, sans guide, Jésus vient à nous et nous tend les mains. Et depuis déjà près de 2000 ans, lorsque rien ne va au rythme du temps, pour vous et pour moi, renaît cet enfant, chantons tous son Ave.